Chapitre 7e. Je ne la vis que 24 heures plus tard. J'ai été complètement rétabli. Même jamais je ne m'étais senti si fort, si ardent. Je sentais circuler en moi la force vitale, chaude, vibrante. Georges vint me chercher dans ma chambre pour me conduire à la salle à manger où Sita nous attendait. « As-tu parlé de moi à ta sœur ?» lui demandai-je avec la désinvolture d'un homme sûr d'avance du succès. Il secoua la tête et ne me répondit pas. Mon cœur se serra et je pâlis. J'eus alors la notion d'un danger inconnu, contre lequel je serais impuissant à lutter. Ce fut comme une jalousie dont l'objet réel m'échappait, mais qui me causait une intolérable souffrance. J'entrai. Sita était debout, et alors, mieux encore que dans le premier trouble du réveil, je vis l'adorable perfection de cette créature, qui peut seule caractériser le mot prononcé par son frère, la prêtresse. Dans l'élancement de sa taille souple, dans la ligne de ses épaules, de son cou, de son corsage, dans la rectitude adoucie des plis de sa robe, il y avait je ne sais quelle placidité religieuse qui troublait et attirait à la fois. Ses cheveux noirs, par un arrangement non cherché, faisaient à son front un bandeau mystique, et dans ses yeux profonds et doux, le regard se perdait, ainsi qu'il arrive, lorsque le soir, par fantaisie, étendu sur le dos, on plonge dans les gouffres de l'immensité nocturne. Elle ne me tendit pas la main. Je ne lui offris pas la mienne. Je ne me sentais pas le courage des banalités. Lorsque nous fûmes assis, j'attendis qu'elle parlât, certain de retrouver au premier mot prononcé la note dont en moi j'avais conservé l'écho. « Monsieur, me dit-elle, mon frère, qui vous aime beaucoup, a bien voulu me consulter à votre sujet. » « Est-il bien vrai que vous soyez décidé à partager nos travaux et nos études ?» J'hésitais à répondre. Je venais de faire une remarque nouvelle. Sa voix, cette voix qui dut être celle du sphinx parlant à Œdipe, s'accordait comme en une sorte de tierce à celle de son frère. Et je sentis tout à coup que la mienne, intervenant, allait sonner faux. Et cette conviction, qui était exacte, s'imposa si fort à moi que je m'inclinais, sans prononcer un mot. Voulez-vous me permettre, reprit-elle, de vous faire connaître mon impression en toute franchise? J'espère que vous ne vous en blesserez pas, puisqu'en réalité mes objections s'adressent moins à vous personnellement qu'à la race française à laquelle vous appartenez. Mais n'es-tu pas français comme moi? M'écriai-je étourdiment en m'adressant à Georges. Il sourit et me touchant doucement le bras. Écoute, ma sœur, fit-il. Nous sommes français en effet, reprit Sita. Mais qui sait exactement quelle est sa descendance? En ce moment, il s'agit non de nous, mais de vous seul. Eh bien, je crois que vos qualités mêmes, inhérentes à votre origine toute gauloise, toute parisienne, sont un grand obstacle à vos désirs. En l'étude qui vous attire, vous voyez surtout le côté philologique. Et même si j'en crois certains mots qui vous sont échappés pendant votre léthargie, vous êtes surtout entraîné par la curiosité innée en tout homme, curiosité du mystère, de l'occulte. Répondez-moi franchement, ne vous imaginez-vous pas, d'aventure, que la connaissance profonde de langues orientales peut donner aux adeptes accès dans un monde surnaturel où s'acquièrent des pouvoirs magiques? Et ne serait-ce pas là, dites-le-moi, la raison vraie de votre ardeur de néophyte? À ce moment, ses yeux étaient fixés sur moi, et chose singulière, il me semblait que je sentais sur mon front, sur mes tempes, les effluves réelles, matérielles, tangibles et touchants de ce regard. Et mon émotion fut telle que je répondis vivement « Vous lisez donc dans ma pensée ?» Puis je m'arrêtai brusquement, ennuyé de la vibration inharmonique de ma propre voix. Ses paupières se baissèrent et elle reprit doucement « Vous voyez bien que déjà vous m'attribuez, je ne sais pourquoi, un pourvoir surnaturel. Quoi qu'il en soit, mon observation a touché juste. Est-ce donc un crime, m'écriai-je, que de rêver l'élargissement des facultés dont on vous a doué la nature? Non, certes, dit Sita. Le devoir de l'homme est de devenir meilleur, et tout ce qui est bon est puissant. Mais si cette puissance peut être acquise, ce que je n'affirme, ni ne nie, bien entendu, consciente que je suis de mon ignorance, elle n'a de valeur qu'en raison du résultat à chercher. Supposez un instant que vous soyez doué d'un pouvoir supérieur, en de certaines proportions qui vous permettent de changer plus ou moins l'ordre de la nature. supposez que vous puissiez, tenez, vous transporter instantanément d'un lieu à un autre, pénétrer à travers les corps matériels, ou bien encore découvrir des trésors cachés. Que sais-je ? Je cherche dans les actes légendaires des magiciens ce qui pourrait convenir à ma thèse. Je vous demande de dire quel usage vous feriez de ce pouvoir. Je balbutiais, ne trouvant pas la réponse topique. Vous employeriez votre force, reprit Sita, à conquérir la gloire. Vous voudriez être puissant parmi les puissants. Je ne vous parle même pas de richesse, de luxe, de satisfaction matérielle. Vous pouvez être assez généreux pour les mépriser. Mais n'éprouveriez-vous pas un infini bonheur à devenir l'idole de vos contemporains, à les dominer de toute la hauteur de votre énergie, à vous entendre saluer maître, roi? Ne concevez-vous pas dans votre cerveau les joies immenses du pouvoir accepté, respecté, de l'universelle acclamation, vous saluant au passage, du salut de tout un peuple enthousiaste? Dites, est-ce que vous repousseriez ce rêve? Fallut-il ma vie pour en obtenir la réalisation? M'écriai-je dans un transport dont je ne fus pas maître. Je suis prêt à la donner. Et frémissant, emporté par l'illusion splendide des dominatrices, je regardais Sita hardiment, comme pour lui offrir de partager avec moi cette puissance. La science que vous cherchez, reprit-elle plus froidement, impose à l'homme l'abnégation la plus absolue, le renoncement complet, irrémissible, à toute ambition et à tout égoïsme. Son acquisition a pour condition première la conception de la charité, de l'amour d'autrui, du sacrifice, en leurs acceptions les plus profondes. Toute science donne puissance, ceci est un axiome. La nôtre ne donne puissance que pour le bien de l'humanité tout entière. S'il pouvait arriver, ce qui est impossible, qu'un de ceux qui la possèdent conservât une pensée d'intérêt personnel, par ce seul fait, il ne serait plus qu'un ignorant, et il retomberait plus bas que le plus bas des parias et des esclaves. Voilà ce que vous ne saviez pas, monsieur, lorsque vous avez demandé à mon frère de partager nos travaux. Voilà ce qui m'engage à lui donner le conseil de vous mieux avertir, que je ne le puis faire moi-même. Réfléchissez donc, et encore une fois pardonnez-moi. Réfléchir ? M'écriai-je. Mais vous ne m'avez donc pas compris ? Sais-je seulement ce que je veux ? À mon tour, ne vous blessez pas si je vous dis que vous m'avez tendu un piège. Quel homme eût entrevu, sans frissonner de passion, le tableau que tout à l'heure vous traciez devant moi ? Alors que vous me jetiez en des horizons de gloire et de puissance où l'âme sent le vertige, et de cette puissance qui vous dit que je ne rêvais pas dès lors, dans une vision rapide, de n'en user que pour le bien d'autrui. Mais je ne veux pas discuter. Je m'étais mépris. J'ai buté contre l'obstacle que vous-même placiez devant mes premiers pas. Je reconnais mon erreur, je la confesse, je la maudis. La voie où je me veux engager est autre. Je l'accepte, avec ses souffrances, avec ses renoncements, avec son martyre s'il le faut. Vous l'avez dit, je suis un néophyte, un apprenti, un enfant. Mais puisque tous deux vous apprenez la charité, l'essentielle bonté, pourquoi repousseriez-vous mon bon vouloir et ma sincère résolution ? Je vous en supplie. Georges le sait, je n'ai point de but dans ma vie. Je me sens attiré vers ces travaux par une attraction puissante. Quel que soit votre chemin, je veux le suivre. Et si je n'y rencontre que souffrance et désillusion, eh bien, vous m'abandonnerez. Et sans un soupir, sans un reproche, je vous verrai partir seul, pour les régions lumineuses où je n'aurais pu vous suivre. Poète, fit Georges en riant. Poète peut-être, mais surtout, dirais-je, amoureux. Non, le mot ne rend pas l'exquis et poignant sentiment qui m'envahissait de plus en plus. Je ne m'appartenais plus. Je me sentais devant elle, humble comme le valet qui tremble d'être chassé. Ah, je l'aimais, je l'adorais. Comme je l'aime et je l'adore à cette heure, où n'ayant pris de son trésor de science que la parcelle maudite, je m'en vais affronter la mort pour me rapprocher d'elle. À cette tirade romantique, Sita n'avait rien répondu. Mais j'avais vu se répandre sur son visage un voile d'indicible tristesse. Craignant de l'avoir blessée par quelque expression trop vive, que je n'essayais d'ailleurs en vain à retrouver dans ma mémoire, je me tus à mon tour. Mais Georges, devinant mes préoccupations, mit la conversation sur un autre sujet, et nous causâmes du passé de mon enfance, tandis que Sita, toujours silencieuse, semblait absorbé en une méditation intime. Tout à coup, à côté, au-dessus de nous, je n'aurais pu dire d'où cela venait. Jaillit le son clair, mais extrêmement doux, d'une clochette. C'était comme si on eût frappé légèrement d'une lame de couteau un verre d'une exceptionnelle finesse. Cela est autre chose, cependant, un son plus pur, plus éolien. Sita et son frère tournèrent brusquement la tête et se regardèrent. La jeune fille était un peu pâle. Elle semblait interroger Georges des yeux. Il dit seulement « Oui, oui, bah. » Sita se leva. Comme par un mouvement instinctif, ses deux mains se croisèrent sur sa poitrine et de son pas lent mais ferme, elle sortit de la pièce. Georges l'avait suivie du regard et je lisais sur son front une sorte d'inquiétude. « Qu'était-ce donc que ce coup de clochette ?» lui demandai-je. « Un appel ?» Il me considéra comme si tout d'abord il n'eût pas compris ma question. Puis il répondit « Oui, un appel. » « J'aurais juré, repris-je, que cette clochette avait tinté ici même, dans l'air qui nous environne. » Georges me prit la main et d'un ton plus sérieux qu'à l'ordinaire me dit « C'est un appel. Je ne puis rien te dire de plus. » Et entre nous, le silence s'établit de nouveau. Lui, jetant les yeux vers la porte par laquelle Sita était sortie, moi, immobile et oppressé, comme si tout à coup je m'étais trouvé sur le seuil de l'inconnu. Un quart d'heure s'écoula qui me parut un jour. Puis du dehors, à travers la porte, Sita appela son frère qui se leva aussitôt et disparut à son tour. Resté seul, je laissai tomber ma tête dans mes mains. Que disait Sita à son frère? Avait-elle deviné mon secret? Et allait-elle prononcer l'ordre de mon exil? Et à cette pensée, j'éprouvai une telle douleur que je me sentis mourir. M'étais-je donc si vite, si niaisement trahi? Quelle jeune fille ne se fût pas trouvée blessée d'un aveu aussi brusque, aussi brutal pour mieux dire? Hélas, je ne la connaissais pas encore et j'ignorais de combien de vanité stupide était faite ma crainte. Georges revint bientôt et me dit « Sita restera dans sa chambre toute la journée. Si vous le voulez, nous irons prendre l'air comme jadis, quand mon père vivait. » « Soit, lui dis-je, mais m'excuserez-vous de vous adresser une question ? Laquelle ? Ma requête est-elle définitivement rejetée ? » Il fixa sur moi son regard doux et bon. « Demain, dit-il, vous pourrez commencer vos études. » Je poussai un cri de joie en le remerciant avec effusion. « Ne vous hâtez pas de vous réjouir, reprit-il. Qui sait si toute votre vie, vous ne regretterez pas d'avoir obtenu ce consentement ? Oh, je ne l'écoutais pas, je ne l'entendais pas. Elle m'accueillait, elle ne me chassait pas. J'allais à chaque heure vivre de sa vie. » Et maintenant je sais que Georges disait vrai. « Je ne regrette rien, mais je suis perdu. »